Salut, salut, c'est Radio Cayenne dans tes oreilles. On est le lundi 29 avril, il est 19h20 et tu nous écoutes sur radio.antirette.net comme tous les autres lundis, avec tous tes potes. Et ce soir, on va parler, on ne sait pas encore tout ce dont on va parler, mais en tout cas, on va commencer par parler d'un truc dans la série Appli et algorithme à la con. On va commencer par mettre un petit son d'abord pour vous mettre dans l'ambiance. Dans la série Connectée. In an era of change, where everyone is connected, sharing ideas, thoughts, visions, and standing up for the same causes. We all want a better world, and we're all outraged by the same injustices. There's never been more involvement in politics than today, in the age of social media. But what's the point of all this energy if it's not connected to the real world? We Stand is the tool that brings your convictions to the physical world. Everywhere around the globe, the power will finally be back in people's hands. Sponsor a messenger that will carry your voice, create your own cause, and federate people. Together, we can create a better world. The future is now in your hands. Voilà, voilà, on espère que vous êtes bien installés. Vous êtes toujours bien sur Radio Cayenne. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous feriez mieux de chercher un travail plutôt que d'écouter Radio Cayenne. Peut-être que vous avez besoin de thunes. Et peut-être que vous ne pouvez pas trouver un travail car samedi c'est manif, dimanche c'est Valdec, lundi c'est tribunal et donc mardi c'est repos. Peut-être aussi que vous connaissez déjà le plan, peut-être que vous l'avez même déjà téléchargé. Nous on a pensé pendant plusieurs jours que c'était un fake, on n'arrive toujours pas à croire que c'est réel. Et pourtant, ça a tout l'air de faire partie de notre monde. En tout cas, si c'est un fake, c'est vachement bien préparé et avec pas mal de moyens, pas mal de coups de pub, des interviews et des articles. Et donc pour vous ce soir en exclusivité, Radio Cayenne vous propose un entretien avec Grégoire Laugier. Grégoire Laugier, ce petit agriculteur bio un peu spécial qui a eu une idée originale pour lutter contre les inégalités. Gérard Laugier a constaté qu'il y avait des inégalités d'accès aux manifestations. Par exemple, quand on n'est pas valide ou qu'on habite à la campagne, loin des centres de manifestation. Et il a voulu faire quelque chose pour lutter contre ces inégalités. Et ce quelque chose, c'est WeStand, l'appli qui va changer votre vie. On vous laisse écouter l'entretien que Radio Cayenne a fait pour vous. Et ensuite, on reprend la parole pour discuter sur Radio Cayenne, la radio toujours à la pointe de l'information et de la technologie. Concrètement, vous avez vous êtes sur la plateforme. Là, vous avez une page sur laquelle sont recensées toutes les causes. Si vous avez envie de porter votre propre cause, vous pouvez également la créer. On vous aide à créer votre cause. Nos équipes vous aident également dans toutes les démarches administratives. Si jamais vous voulez faire une déclaration de manifestation en préfecture, etc. Et donc, si vous habitez à Nantes, vous travaillez à Paris, vous n'avez pas envie d'être à Paris le 1er mai, par exemple, parce que vous pouvez pas. Vous pouvez constater qu'il y a par exemple une manifestation pour l'écologie le 1er mai. Vous pouvez soit participer donc, en alimentant une cagnotte, un crowdfunding, avec le montant de votre choix. Donc ça peut être 5 euros, ça peut être 10 euros, ça peut être 20 euros, ce que vous voulez. Et cet argent, une fois collecté, servira à payer des messagers, donc des manifestants, et également des accessoires, des t-shirts, des banderoles, etc., pour que votre voix puisse être portée le mieux possible. Et vous avez également la possibilité de payer directement un messager que vous pouvez commander. Donc, par exemple, vous dites, moi, j'ai envie d'avoir mon messager de 13h à 15h en place de la République, et j'ai envie qu'il porte un t-shirt avec écrit FM, la radio qui vous veut du bien, peu importe, voilà, vous trouvez votre slogan. Et ça vous permet d'avoir un message personnalisé. En plus de ça, si vous avez votre messager personnalisé, vous avez l'option également d'avoir sur votre espace personnel une page sur laquelle vous pouvez lui parler donc via un service de messagerie instantanée. Il peut vous envoyer également des photos, des vidéos de lui ou de la manifestation. Vous pouvez partager ensuite la photo du messager au milieu de la manifestation. Et puis, vous avez également un outil de géolocalisation qui vous permet de bien suivre le parcours du messager et d'être sûr qu'il soit bien présent sur les lieux de contestation. Donc, les messagers, pour aller en manifestation, doivent être équipés d'un smartphone. Voilà, c'est ça. Il faut qu'ils aient un téléphone depuis lequel ils se connectent sur notre application. En fait, non, l'ambassadeur, c'est vraiment le créateur de la cause, hein, la personne qui crée la cause, et celui qui envoie les messagers ou qui contribue à la cagnotte, on l'appelle le mécène. Ah, d'accord. Il fallait trouver des terminologies techniques, hein, pour chacun des personnages. Donc le mécène, c'est celui qui contribue à la cagnotte en ligne, ou celui même qui veut un peu qui est un peu plus taquin, j'ai envie de dire, qui a envie d'avoir son petit message personnalisé, qui a envie de pouvoir partager des photos de la manifestation et qui paye directement un messager pour le représenter lui, quoi. C'est les deux cas de figure. Alors les messagers, ils sont payés, alors ils facturent 15 € de l'heure auprès des mécènes ou des ambassadeurs. Et nous, on est un service de mise en relation et on facture 20% de commission aux messagers pour notre service. Donc, ce qui représente en fait 3 € sur les 15 €, plus la TVA, ça fait 3,60 €. Donc, il en reste 11,40 € brut de l'heure pour aller manifester, voilà, dans des conditions généralement assez sympathiques. Et puis, ça leur permet, en plus, de rencontrer des gens, de s'ouvrir à, éventuellement, de parler de choses qu'ils ne connaissaient pas forcément. Donc, c'est assez, assez positif. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui s'inscrivent. Hein. J'ai reçu des candidatures de l'étranger, déjà. J'ai des Canadiens et des Américains qui s'inscrivent. C'est assez marrant. Et on a tous les profils. Hein. On a des étudiants, reçu des policiers qui voulaient s'inscrire. Bon, je pense qu'ils n'ont pas le droit, hein, parce que c'est une profession réglementée. Des personnes de tous âges, de tous horizons. Nous, on est en train de... Bon, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais c'est vrai qu'on voulait aussi se rapprocher de centres sociaux, vous savez, qui aident à la réinsertion des personnes en difficulté, voire même de certains SDF. Parce que comme c'est un travail qui ne demande pas de grandes qualifications, c'est aussi une occasion, voilà, d'aider un petit peu les gens dans le besoin, qui ont besoin de se refaire une situation et à qui on ne donne pas toujours leur chance, quoi. Et donc, en plus, ça donne une dimension, en plus d'écologique et économique, ça donne une dimension sociale à votre engagement, de vous faire représenter par un messager à qui vraiment votre argent va profiter, quoi. Et il y a eu déjà des manifestations où l'application a été utilisée ces dernières semaines ? Pas encore. C'est la prochaine étape, en fait, hein, parce que là, moi, pour l'instant, j'avais mis 4 événements sur la page, mais c'est moi-même qui les avais mis pour que les gens puissent voir comment ça fonctionne, s'approprier un peu le site et puis découvrir les fonctionnalités. Mais ce qu'il nous faut maintenant, c'est des vrais ambassadeurs, c'est-à-dire des gens qui créent des causes qui leur sont chères et qui fédèrent leur communauté. Parce que, évidemment, moi, les causes que j'ai mises, les gens, ils s'en foutent. Je suis pas ambassadeur, c'est juste un exemple. Alors, on a un projet qui va venir. J'ai déjà été contacté par un ambassadeur qui est assez intéressant, d'ailleurs. Je peux vous le dire en avant-première. Oui, allez-y. Ça va être une campagne de collecte de déchets sur les berges de Seine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui en a marre de voir des déchets partout et qui s'est dit, voilà, moi j'ai plein de gens qui se plaignent sur Internet du plastique dans les océans, mais en fait, quand j'organise des campagnes de collecte, il n'y a jamais personne qui vient. Et donc là, je vais les mettre face à leurs responsabilités sur les réseaux sociaux. Vous pouvez peut-être pas venir, vous avez peut-être du travail, vous habitez peut-être loin, mais au moins faites un geste, donnez un peu d'argent. Et comme ça, moi, je peux payer, je peux m'entourer de messagers, d'auto-entrepreneurs qui vont m'aider à collecter les déchets et puis à faire un geste, quoi. Si je peux me permettre, est-ce que vous pensez pas que ça va détourner un peu, par exemple, ce genre de manifestation ou d'événement de leur sens politique, parce que finalement, les personnes iront participer à ce genre d'événement en tant que personne, en tant qu'auto-entrepreneur? Je comprends pas très bien votre question. C'est-à-dire que ce qui compte dans une manifestation, en fait, c'est d'être de la représentation physique, justement, dans la rue. Les gens ne voient pas très bien ce que ça fait comme différence s'ils sont auto-entrepreneurs ou si c'est des gens de la société civile. Tant qu'ils représentent quelqu'un qui a payé, si vous voulez, je pense que ça fait sens. Si effectivement c'était un multimillionnaire qui payait pour avoir 1000 personnes dans la rue, bon là évidemment ce serait un scandale, ce serait du lobbying total. Mais là, chaque messager présent sur les centres sur les manifestations représente une vraie personne qui a payé. C'est-à-dire qu'un ambassadeur ne peut avoir que un messager, si je comprends bien. Absolument, absolument. Nous, c'est vraiment la grosse différence qu'il y a entre notre application et un site avec lequel on nous a comparé, qui est un site américain qui est vraiment un site de lobbying, qui lui justement fournit des gens à des compagnies, à des multinationales, etc., pour faire des fausses manifestations. Nous, c'est tout se fait en transparence. Hein. Vous allez sur le site, vous avez exactement l'argent collecté, le nombre de contributeurs, et c'est justement un outil de démocratie participative 2.0. C'est-à-dire que on le constate hein, avec les gilets jaunes de plus en plus, c'est vraiment ce que les gens réclament, ils veulent le référendum d'initiative citoyenne, ils veulent plus se faire représenter, ils veulent agir directement sur le monde. Et c'est nous ce qu'on leur propose, c'est un outil, voilà, un outil qui permet justement de se faire représenter physiquement dans les endroits où on peut pas forcément être, parce que voilà, les zones de contestation aujourd'hui ont évolué, hein, on n'est plus au XVIIIe siècle où effectivement on travaillait dans une usine et le patron habitait juste à côté et on pouvait aller gueuler en bas de sa fenêtre. Aujourd'hui, avec la mondialisation, les zones de contestation se sont élargies, parfois à l'étranger, parfois c'est des fonds d'investissement, ça peut être des capitaux chinois, des capitaux américains. Donc nous, voilà, on répond modestement, on essaye de proposer un outil qui répond à cette nouvelle problématique du capitalisme mondialisé, quoi. Qu'est-ce qui se passe en cas d'interpellation du messager ou en cas de blessure du messager ? Il y a deux cas de figure. Soit le messager est irresponsable ou a mal agi dans la loi. À ce moment-là, bon, il est en tant qu'auto-entrepreneur, il est évidemment responsable. Hein. C'est le chef de sa propre entreprise et c'est lui qui prend ses risques en connaissance de cause. Nous, évidemment, on briefe tous nos messagers avant de les envoyer sur une quelconque manifestation en leur rappelant de respecter la loi et d'être courtois avec les forces de l'ordre, etc. En revanche, si il se trouve que c'était juste il faisait juste entre guillemets son travail et qu'il s'est pris un tir de flashball dans l'œil ou qu'il s'est fait maltraiter par les forces de l'ordre et qu'on a les preuves, c'est ce qu'on avance. Alors là, nos équipes juridiques, on a un cabinet d'avocats avec qui on travaille, ce sera une joie de le défendre. Mais j'ose espérer, je dis ça de manière un peu cynique, et qu'on vit encore dans une démocratie où on peut manifester sans se faire casser la gueule. ça, après, c'est pas de mon ressort. Hein. C'est plutôt avec le gouvernement qu'il faut voir ça. Est-ce que vous avez prévu la possibilité que les messagers aient des rôles ou soient des places différentes dans les événements je sais pas, ces dernières semaines ou ces derniers mois plutôt, je pourrais dire, on a vu qu'il y avait des équipes de secours médical, des personnes dans le cortège de tête, des personnes qui tenaient la banderole, des personnes, enfin vous voyez, qui avaient des rôles différents. Ouais, ouais. Absolument. Alors là, c'est vrai que pour l'instant, on est sur la première version du site. Hein. Il y a encore plein de choses sur lesquelles il faut qu'on planche. Donc, c'est pas encore quelque chose sur lequel on a réfléchi. Effectivement, j'ai quand même commencé à penser à la possibilité d'avoir des super messagers entre guillemets, c'est-à-dire des messagers qui ont un peu plus de responsabilités, qui seront un peu mieux payés, mais juste pour qu'ils puissent à la fois encadrer les autres, veiller à ce que tout se déroule bien. Apporter éventuellement les accessoires lors des manifestations, les t-shirts, les banderoles, etc. Voilà, faire un petit peu le lien entre la société et les messagers. Et puis à terme, effectivement, pourquoi pas avoir des messagers avec différents profils et puis un système également d'évaluation des messagers par les utilisateurs pour que, un peu comme ça existe d'ailleurs sur les systèmes de VTC, des choses comme ça, quoi. Mais alors ça, ce sera pour la V2, quoi. Pour l'instant, Pour l'instant, on est sur la V1. On a eu, comment dirais-je, on a bien réussi le lancement jusqu'à présent. On attend de voir maintenant comment ça marche en termes de d'utilisation, hein, même si la France, c'est un marché particulier, hein, parce que c'est vrai que vendre de la manifestation en France, c'est comme vendre des pâtes en Italie. C'est un peu la spécialité locale. Donc, c'est vrai que nous, ce qu'on vise en particulier, c'est les États-Unis. Et parce que c'est là où il y a, à mon avis, le plus gros marché. Il y a d'ailleurs les élections présidentielles l'année prochaine. Et on a été invité en Californie, là, au mois de mai. On part présenter Wistand à des investisseurs. Donc, c'est quand même assez valorisant. Si tout se passe bien, on aura une licorne française. Et pour une fois, là, comment dirais-je, on a une vraie expertise internationale à apporter sur un sujet. C'est la manifestation auprès des Américains. Donc, ça va être assez marrant. Voilà un peu où on en est, mais bon, évidemment, voilà, il y a encore énormément de choses à faire. On est très excité par tout ce qui arrive. Alors, nous, la seule limite qu'on s'impose, c'est évidemment la Convention des droits de l'homme et la loi. C'est-à-dire que, évidemment, on ne peut pas faire de manifestations avec des appels à la haine, des appels à la violence ou des choses qui sont prohibées par la loi. En revanche, je pense que c'est important qu'on ne soit pas un site militant, mais vraiment un site parce qu'on fait la promotion de la démocratie, donc il faut aussi accepter que des gens puissent faire des manifestations sur des sujets avec lesquels on peut être en désaccord. Moi, je pense que c'est la pluralité des idées, hein, qui fait la force d'une démocratie. Donc, effectivement, on peut accepter des manifestations de chasseurs et le lendemain de faire des manifestations de véganes. Hein. Nous, on est un outil et puis les gens expriment, ils sont là pour exprimer leur point de vue. On n'est pas du tout modérateur ou on n'est pas défenseur de la vie. Chacun peut créer la manifestation qu'il souhaite. La seule limite, c'est le cadre juridique. Voilà, tout simplement. Il y a aussi une limite juridique qu'on s'est imposée, c'est qu'on n'envoie pas de messager dans une manifestation qui n'a pas été déclarée. Parce que sinon, effectivement, là, on se mettrait en danger juridiquement. Hein. Donc, on vérifie toujours que la déclaration en préfecture ou les autorisations existent. Que ce soit nous qui l'ayons faite ou fait faire avec l'ambassadeur ou qu'elle ait été faite par d'autres organisations syndicales en parallèle, on vérifie que c'est bien déclaré, que tout est réglo, et puis là, on peut envoyer les messagers. J'allais vous demander, parce que ça me rendait curieuse, qu'est-ce qui dans votre parcours vous a amené à... Enfin, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce qui dans votre parcours vous a amené à monter un tel projet? Ah bah c'est franchement, je ne pourrais pas vous le dire. Hein. Moi, je ne suis pas du tout issu du milieu de tech et de start-up. Moi, j'y connaissais absolument rien. Et puis, moi, je faisais des documentaires animaliers, des trucs, voilà, des films animaliers. J'avais une ferme dans le Poitou, j'élève des vaches. Enfin, voilà, je ne suis pas du tout la caricature du mec qui sort d'HEC et qui va monter des startups. Okay. Mais je ne sais pas, j'ai eu cette idée, voilà, ça m'est tombé dessus. Et puis, ça fait assez longtemps. Pendant très longtemps, c'est resté une espèce d'icône, vous savez, sur le bureau de mon ordinateur, un truc où on se dit, bon, je le ferai un jour, mais en fait, on se dit aussi qu'on ne le fera jamais. Et puis, bon, j'en ai parlé, j'ai eu la chance de rencontrer un investisseur qui m'a tout de suite dit c'est une idée géniale, il faut qu'on le fasse. Donc, il a mis de l'argent sur le projet. Donc, ça, forcément, une fois qu'on a l'argent, ça, on est un petit peu obligé d'avancer. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était cet investisseur? Alors, je peux vous dire que ce n'est pas un oligarque russe, c'est un Français. Je n'ai pas encore demandé s'il acceptait qu'on donne son identité. Donc je préfère pas vous le dire. C'est un Français, voilà, qui investit dans différents projets. Mais j'ai eu ça que j'en ai parlé parce que c'est aussi quelqu'un que je connais bien. Je sais pas vraiment. Tout de suite, il m'a dit banco, on y va. C'est vrai qu'un peu après, il y a eu, vous savez, c'était l'année dernière, il y a eu la grève des cheminots. Et il y avait eu une cagnotte en ligne, je crois qu'il y a eu 1 200 000 € de dons en une semaine pour soutenir les cheminots. Et ça a quand même été un élément déclencheur. On s'est dit là, quand même, le business model a l'air d'être quand même assez validé puisque les gens sont prêts à donner de l'argent en soutien à des événements sur des sites participatifs qui finalement sont une version un peu moins élaborée de Wistand. Hein, finalement, ce qu'on reproche à Wistand, il y a des gens qui vont, qui, bon, évidemment, comment dire, je peux pas leur jeter la pierre, parce que je pense que même moi, vous savez, si j'avais entendu parler de cette société pour la première fois, j'aurais eu de prime abord une réaction un peu hostile, parce qu'on touche quand même à quelque chose de sacré, la manifestation, la démocratie. Donc évidemment, c'est assez déstabilisant de prime abord. Après, quand on explique bien les choses, finalement, c'est au contraire, c'est plutôt quelque chose de positif. Et j'ai pas encore, j'ai eu beaucoup de réactions, un peu de postures comme ça, de gens qui, de manière réflexe, ont trouvé ce projet, le moins qu'on puisse dire, c'est ils l'ont trouvé troublant. Mais j'ai pas encore vraiment eu d'arguments, de vrais arguments, quoi, qui pourraient aller à l'encontre de notre projet. Moi, je constatais depuis, comme tout le monde, hein, je constatais depuis des années que je pouvais plus ouvrir mon Facebook sans avoir des gens qui se plaignent à longueur de journée, machin, truc. Enfin, tout le monde, la politique c'était devenu le sujet numéro un. Tout le monde y allait de son petit commentaire, mais en fait, ces gens-là, je les voyais jamais, quoi. Je les voyais jamais dans la rue, je voyais jamais de trucs se passer. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut quand même. Moi, j'y vais pas plus, hein, je vais pas vous mentir, moi, j'en faisais jamais des manifestations. Et pourtant, j'étais pareil. Il y a plein de sujets qui me sortait par les trous de nez. J'avais envie d'agir, à la fois cette envie d'agir et cette forme de léthargie où on se dit c'est quand même trop compliqué, faut, je vais pas prendre un billet de train pour aller là-bas manifester. Ben oui, c'est quand même c'est comme ça qu'est née l'idée, quoi. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça reproduise d'autres inégalités, c'est-à-dire que en fait les ambassadeurs, parce que pour être ambassadeur, si je comprends, il faut quand même investir de l'argent, et du coup qui est une nouvelle sorte d'inégalité? Ah non, pas du qui tout. Se crée. Ah non, ambassadeur, tout le monde peut être ambassadeur sans mettre d'argent. L'ambassadeur, vous pouvez être ambassadeur de la même manière que vous pouvez créer une campagne de crowdfunding sur un site de financement participatif. Ce que vous faites quand vous êtes ambassadeur, c'est que vous fédérez une communauté, vous demandez à vos amis, vous demandez à vos réseaux, aidez-nous, mettez chacun, contribuez chacun à hauteur de ce que vous pouvez. Hein. Les gens peuvent donner 5 euros. 5 euros, c'est le minimum, parce qu'en dessous de 5 euros, les frais financiers sont trop importants par rapport à ce que ça. Enfin, c'est un peu. Ça coûte trop cher, en fait. Donc, on a mis 5 euros au minimum. Mais 5 euros, je veux dire, même si vous habitez à Paris, 5 euros, c'est ce que ça va vous coûter de faire l'aller-retour à Place de la République, deux tickets de métro et un coca. C'est 5 euros, quoi. Donc, je veux dire, tout le monde peut le. C'est une somme pour certaines personnes, mais c'est quand même pas des sommes considérables. Voilà. Bon, je compte sur vous pour me faire un truc sympa. Pas trop. Parce que. Non, mais je plaisante. Hein, vous êtes l'indépendance du journaliste. Très beau. Ok. Bon, mais super. Mais merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Pour les personnes qui nous rejoignent, vous venez d'écouter l'interview de Grégoire Laugier. Le lanceur de l'application WeStand, et ce n'était pas un fake, ce n'était pas une fausse interview. On a vraiment eu Grégoire Laugier au téléphone ce matin. Dans les trucs qu'on avait envie de rediscuter après cette interview, d'abord on voulait rappeler, donc pour celles et ceux qui viennent de rejoindre, donc c'est une start-up, WeStand, c'est une appli, mais c'est aussi une start-up. Donc lui, il est fondateur de cette start-up. Et on voulait rappeler, au cas où vous auriez oublié, qu'une start-up, c'est bien une entreprise, un moyen de se faire du pognon. Et notamment, ce qui est intéressant, ce qui intéresse en fait les gens et ce pourquoi ils font des start-up, c'est qu'une start-up, son objectif, c'est en fait, c'est une sorte d'investissement, la start-up. Les gens, ils lancent leur start-up. Et l'objectif, c'est qu'elle soit suffisamment, déjà de lever suffisamment de fonds, en fait. Et on parle en dizaines, au moins dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros. Et qu'une fois que cette start-up, elle est suffisamment, on va dire, reconnue et qu'elle engrange suffisamment de fric, en fait, l'objectif, c'est de la vendre, en fait, la start-up, et qu'elle soit plus une start-up, mais de vendre le service, par exemple, à un grand groupe du numérique. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans l'interview, là, qu'ils vont présenter leur projet aux États-Unis et qu'ils espèrent la faire grandir pour avoir des fonds d'investissement qui viennent des États-Unis, de France, et puis d'ailleurs. Et du coup, là, tout le blabla qu'il va faire dans l'interview, en fait, toute son explication de pourquoi il a eu envie de faire ça, D'ailleurs, sur laquelle il va revenir à la fin, mais toute l'explication du début où il va dire que c'est pour les personnes, des personnes qui sont éloignées des centres de contestation ou des personnes pour qui ce serait compliqué d'aller en manif, etc. Bon, et puis toute la partie sociale aussi, là, d'embaucher des gens qui sont éloignés de l'emploi, des SDF, comme il dit. Aller dans les centres sociaux. Voilà, et ben on voit bien que en fait tout ça c'est juste le blabla qui fait vendre l'application et qui fait que des gens vont s'intéresser à l'application et aller déposer une cause finalement. Mais que l'objectif c'est bien de lever des fonds, et d'ailleurs c'est ce qu'il va dire aussi vers le milieu de l'interview. Il va dire que son idée elle lui est venue de la grève des cheminots qu'on réussit à lever plus d'un million d'euros, mais ce qu'il a pas compris là-dedans et là où il est malhonnête, c'est que enfin c'était une caisse de grève en fait pour soutenir la grève et que les personnes puissent faire grève, en fait c'était pour que les personnes elles puissent bouffer et lutter. C'était pas une levée de fonds pour se faire du pognon, quoi. Non, mais moi, je trouve ça vraiment flippant comment ce genre d'appli, ça vient marchandiser des pratiques de débrouille, des pratiques de solidarité, des pratiques de lutte. Enfin, ce genre d'appli et cette start-up-là. Et qu'en fait, ça transforme la manif en un service marchand où il y a des gens qui se font du pognon avec. Et du coup, il y a des gens qui sont exploités pour aller manifester sous couvert de... lutter contre les inégalités, de respect de la démocratie, la fucking démocratie. Moi, je voulais revenir un peu aussi sur quand il dit... et ça, je trouve que ça marche avec le truc de marchandisation aussi. Enfin, en tout cas, que lui, dans sa tête, ce truc-là, c'est qu'un truc marchand. Quand il dit que les causes... que c'est lui qui a déposé donc, les quatre premières causes sur son site, ce qu'il appelle des causes... que ces premières causes, elles sont pas, elles n'intéressent personne, qu'il les a déposées comme ça, juste pour commencer, et que les gens voient comment ça marche et tout. Et moi, je voulais te dire, c'était quoi ces quatre premières causes? Du coup, la première cause, c'est le cortège climatique et social du 1er mai 2019 à Paris. Donc effectivement, cette manif du 1er mai 2019 à Paris n'intéresse absolument personne. Alors lui, comme il a l'air de vivre dans un monde un peu spécial, même s'il se défend d'avoir fait HEC... cette cause qui n'intéresse personne, effectivement sur son site elle n'intéresse personne puisque personne n'a mis de l'argent pour financer du matériel pour la cause ni pour avoir des messagers. La deuxième cause qui n'intéresse personne, donc selon lui, c'est la marche mondiale contre Monsanto Bayer. Voilà, donc Monsanto, ça n'intéresse effectivement absolument personne. La troisième cause, c'est une marche pour l'océan. Et la quatrième cause, c'est la grève nationale des fonctionnaires. Qui n'intéresse non plus absolument personne. Personne, c'est ça. Ah, peut-être moins de monde, comme il y a moins de fonctionnaires. Enfin, du coup, ça montre bien aussi tout le côté, je sais pas comment dire, enfin le côté hypocrite de sa démarche et... parce qu'en fait, je pense qu'il s'est jamais intéressé en fait, il s'est jamais intéressé à des luttes en fait. Ouais, puis toutes les photos, on a cherché un peu qui il était, et puis du coup toutes les photos ou les posts qu'il fait, bah c'est des trucs où on le voit, je sais pas, en habit de chasse ou en vacances à Tokyo ou en vacances, je sais plus où il est allé encore. Sur une île qui a l'air paradisiaque, mais qui doit être paradisiaque que pour les touristes. Voilà, et par rapport à ce que tu disais aussi sur ce qu'il poste, et le premier son que vous avez entendu, c'était, ça s'appelle « Quand la société civile reprend les rênes du pouvoir ». Et donc, en fait, c'est son spot publicitaire. Et quand on le regarde, vous pouvez le trouver en ligne. Sur le site de WeStand, il reprend vraiment tous les codes des vidéos de EDF, de la BNP Paribas, tous les trucs des grosses entreprises là qui récupèrent les causes politiques ou l'engagement politique pour faire style qui se donne, enfin pour se donner bonne conscience et faire style que ce sont des acteurs engagés. Voilà, et en vrai, ça sert à faire des thunes, quoi. Ouais, c'est très, ça fait des pubs très greenwashing, on dirait une pub de Vinci, Vinci qui aurait posé des éoliennes à fond. Je ne sais où, quoi. Avec des gens qui se donnent la main et qui font le tour de la Terre en se donnant la main et en souriant. Et du coup, ils essaient de masquer complètement que, en vrai, c'est une fucking entreprise capitaliste où il y a des gens qui ont du pognon et qui payent pour des causes, pour faire fructifier le capital et pour exploiter des gens qui ont besoin de thunes et donc voilà, qui vont aller prendre des risques. Parce qu'ils essaient de dire oui, en France aujourd'hui, on peut aller manifester sans prendre de risques. J'ose espérer. Mais en fait, non. En fait, en France aujourd'hui, on manifeste pas sans prendre de risques. Déjà. Et voilà, donc il y a vraiment ce truc de greenwashing, comme tu dis, qui masque l'exploitation capitaliste. Puis on voulait aussi causer des applis en fait, et tout cette espèce d'écosystème qui bon, du coup il y a ce que tu disais quoi, qui exploite des gens en fait, et un truc finalement qui fait que de la reproduction de la reproduction de classe, que de la reproduction de la division des tâches, et où du coup les riches ils vont pouvoir payer en fait des services qui vont être rendus en fait par des plus pauvres qui galèrent, et on le voit sur les trucs Uber, on le voit sur les trucs de livraison à vélo, on a tous ces services qui sont rendus par des applis. Finalement, pour l'utilisateur, effectivement, peut-être c'est facile de commander un Uber, de se commander un truc à bouffer, de bientôt se commander un manifestant, d'aller poser son CV chez Pôle emploi, de faire je sais pas quoi. Mais tout ça, ça change pas du tout les rapports d'exploitation en fait de ce monde-là, et ça rend en plus l'exploitation dans ces cas-là, du coup, où les personnes elles ont un statut d'auto-entrepreneur, ça rend l'exploitation encore, enfin ça précarise encore plus les personnes quoi. Bah ouais, parce que du coup les auto-entrepreneurs, comme il le dit très bien, sont responsables eux-mêmes des risques qu'ils prennent au travail, et du coup alors que ils sont en train de taffer, et ben en tout cas dans ces systèmes là, et ben c'est eux qui en plus assurent tous les risques quoi. Il dit ah oui, un petit flashball, se prendre un petit flashball dans l'œil, et ben en fait si t'as pris un risque c'est tant pis pour toi. Et puis c'est toi qui assure aussi dans ce système-là, c'est toi qui assure aussi ton propre travail. Du coup, enfin, c'est toi du coup qui dois être dispo H24 au cas où l'appli te contacte pour aller bosser. Il faut que tu fasses bien ton travail pour être bien noté, pour que l'appli continue en fait à te contacter pour avoir du taf. Et ça va aussi avec, on avait envie un peu de faire le lien avec tout le contrôle des données, et notamment via les smartphones, via les applications. En préparant l'émission là, on se disait ah bah voilà, il y a des applications qui existent de mise en relation des voisins par exemple. Et du coup, on se disait, ah bah, c'est super, tu peux savoir lequel de tes voisins a encore des glaces chocolat caramel dans son frigo grâce à son frigo intelligent. Et puis, ça tombe bien d'ailleurs parce que tu sais que Yael est disponible samedi après-midi grâce à son Google Agenda. Et puis, en plus, Spotify confirme bien que Yael écoute la même musique que toi. Et puis, franchement, Google dit qu'Yael consulte de temps en temps Indie Media Nantes. Et donc, voilà, tu bel après-midi en perspective quoi, et collecte de données à fond. Et voilà, bon, ça c'était un peu, c'est ce qu'on se disait en préparant l'émission, comment toutes les applications là elles viennent prendre les données et puis qu'elles pourraient mettre en relation sur la base de données. Et en vrai, les données, on le sait, ce sont les données collectées par ces applications, ce sont des marchandises qui sont échangées, parce que faut pas croire que c'est gratos, que les applis et les entreprises Facebook, Google, toutes ces entreprises-là, en fait, elles échangent de la monnaie et elles la font fructifier. En fait, c'est de la donnée économique, quoi. Et en plus, ça permet de contrôler les gens et de mettre en place un système de contrôle qui est complètement normalisé. Parce qu'en fait, pour aller acheter, faire tes courses, écouter ta musique, communiquer avec des gens, tout ça, et ben en fait, c'est des informations sur toi et ta vie que tu donnes, quoi. Et là-dessus, ça me fait penser à, c'est un truc que je cherchais tout à l'heure. Que peut-être on retrouvera comme son pour passer plus tard, soit dans l'émission, soit une prochaine fois, mais à une conférence du mec de Blablacar qui dit que lui, ce qu'il imagine pour l'avenir, en fait, c'est une seule et même application dans laquelle tu serais noté, l'utilisateur serait noté, les personnes du coup qui travaillent, elles seraient aussi notées, et t'aurais toute ta vie, toute ta vie avec ces applications, quoi, parce qu'heureusement, c'est pas toute la vie, enfin, j'ose espérer. Mais tous ces trucs d'applications, en fait, à un même endroit, et du coup, toutes ces données collectées à un même endroit, en fait, par une même société, pour, enfin... Bon, voilà, en tout cas, ouais, ce truc de notation et d'évaluation, ben... C'est flippant pour tout ce que ça vient remettre en question, quoi. Tu vas bientôt pouvoir noter. C'est une projection, mais on imagine que c'est pas si loin, parce que moi je pensais pas un jour voir une application pour achète ton manifestant. Mais du coup tu vas pouvoir noter la personne que tu croises dans la rue, la personne que t'aimes pas, et puis du coup rentrer en relation, quoi, avec des personnes en interaction avec des personnes qui ont des bonnes notes. Parce que les personnes moins bien notées, alors on ne sait pas en fonction de quoi, de quels critères, de qui que quoi, sûrement elles sont moins intéressantes, ou t'as moins envie de la rencontrer. Enfin, c'est juste délirant, quoi. Et du coup, peut-être le projet, ça serait de monter une manif contre ce genre de trucs et faire appel à leurs services, ou... Alors quand même, il faut avoir le statut d'auto-entrepreneur. Le statut d'auto-entrepreneur, c'est pas... si simple que ça, ils présentent ça comme un truc hyper simple, mais t'as quand même toute une liste de pièces à fournir. On a essayé cet après-midi de s'inscrire sur cette plateforme pour voir en fait ce qu'on nous proposait, parce que dans les trucs qui dit pas trop là, mais qu'on a pu lire ailleurs, c'est que et puis on a pris contact avec lui par mail aussi en tant que personne intéressée pour être messagère. Ce qu'il dit, c'est que ils s'arrangent pour que les gens pour tester les affinités politiques des gens, et notamment pour envoyer les messagers sur des manifs avec lesquels ils auraient des affinités politiques. C'est ce qu'il a répondu à un mail qu'on lui a envoyé. Mais il disait qu'il fallait bien qu'on fasse notre statut d'auto-entrepreneur. Du coup, on a essayé cet après-midi. Alors déjà, on a eu du mal à trouver un site. On n'a pas réussi à trouver comment faire en ligne, mais il y a sûrement un endroit où on peut faire en ligne. Et en tout cas, il demande un tas de trucs, comme une copie recto-verso lisible de la carte d'identité ou du passeport, ou un extrait d'acte de naissance, accompagné, s'il y a lieu, d'un certificat de nationalité à demander au tribunal. Une déclaration sur l'honneur de non-condamnation pénale ou commerciale comportant la filiation. Ah, ça, je sais pas pourquoi. Bon. Déclaration, si on fait une déclaration d'insaisissabilité, pardon, une copie certifiée conforme de l'acte notarié portant déclaration d'insaisissabilité des biens fonciers non affectés à l'usage professionnel. Si le bénéficiaire d'un contrat d'appui... Si vous êtes bénéficiaire d'un contrat d'appui, une copie précisant le terme prévu. Le contrat d'appui au projet d'entreprise est un contrat écrit engageant une société, blablabla. Il faut remettre un chèque pour payer les formalités de création. Ça, on ne sait pas de combien c'est. Voilà. Peut-être on leur remet un chèque en blanc. Si on est de nationalité étrangère, pour les ressortissants d'un État membre, de l'Union européenne, une copie recto verso de la carte d'identité. Pour les autres ressortissants, je lis ce qui est marqué sur le site, pour les autres ressortissants étrangers, y compris les ressortissants des pays de l'OCDE, ça a l'air important. Si on réside en France, une copie de sa carte de séjour portant la mention commerçant ou industriel ou vie familiale ou vie privée et familiale. Ou une copie recto verso de la carte de résident. Si on ne réside pas en France, une copie recto verso de la carte nationale d'identité en cours de validation ou une copie du passeport en cours de validité. Plus une traduction certifiée conforme par l'exploitant concerné. Et plein d'autres trucs. En cas de mariage, en cas de conjoint collaborateur, pour le local ou les fonds. Enfin bref, il y a... Il y a plein de trucs. En tout cas, ça ne se fait pas en deux clics. Et ça demande, de donner ses papiers, tout ce que t'as lu là, son acte de naissance, une déclaration de non-condamnation pénale, enfin bon, voilà. Ça, c'est juste la première étape pour déposer le dossier. Ouais. Du coup, on n'a pas réussi à accéder aux autres étapes. On peut pas vous en dire plus. Et il nous a dit que c'était trop tard pour la manif du 1er mai, qu'on n'aurait pas le temps d'avoir un statut d'auto-entrepreneur d'ici là. Et du coup, on est très déçus. On aurait bien, on a besoin de thunes, on aurait bien aimé gagner voilà. De la thune. Mais en termes de droits ou RSA et ou au chômage, ça a un impact le fait de se déclarer en auto-entrepreneur, non? Ouais, il y a des aides à la création du statut, du coup, si tu es au chômage, si tu es déclaré au chômage. Et après, le RSA, il y a une partie des revenus que tu gagnes qui est retirée en fait de ton RSA. Du coup, c'est pas tout bénef si t'es au chômage, quoi. Et j'imagine qu'il y a aussi une partie si tu touches des allocations chômage, qu'il y a une partie de tes allocations chômage qui sont retirées en fonction de ce que t'as gagné. Après, franchement, si tu t'entends bien avec ton mécène, eh ben, peut-être tu peux faire le premier contact sur l'appli et puis après aller manifester en étant payé sous la table. C'est clair, du coup, tu te fais vraiment 15 euros de l'heure. Et ben, voilà. Mais 15 euros de l'heure, moi j'ai compté quand même. 15 euros de l'heure, si tu fais des manifs de 5 heures, j'ai déjà oublié combien ça faisait. 75. En tout cas, moi ce que j'avais compté, c'est que ça me faisait 220 balles en allant aux manifs tous les samedis. Ça me faisait que 220 balles de plus par mois. Bon, c'est déjà pas mal 220 balles, mais s'ils les enlèvent du RSA, bon, ça marche moins bien, quoi. Ouais, puis si tu comptes seulement le temps de manif déclaré, c'est pas sûr que ça dure 5 heures tous les samedis. Le deuxième tour est peut-être pas payé. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, faudrait éclaircir ça, quand même. Ou alors, tu t'en fais plusieurs. Puis tu peux te déplacer dans plusieurs villes. Tu fais celle du matin, genre à Bordeaux le matin, Nantes l'après-midi, peut-être Saint-Nazaire le matin, Nantes l'après-midi, c'est moins loin, parce que s'il faut que tu crames l'essence... Et Rennes le lendemain. La manif du soir, ça doit pas non, être... La manif du soir n'étant pas déclarée en préfecture, tu n'as pas le droit. Bon, donc voilà, c'était une petite présentation de cette appli, WeStand. L'objectif, c'est pas du tout de lui faire de la pub. Hein. Par contre, il a l'air très sensible aux critiques, même s'il trouve qu'il n'y a pas d'argument. Il a l'air très sensible aux critiques. A priori, il se fait trasher sur les réseaux sociaux. Ça a l'air de pas trop lui plaire. Et du coup, si des gens nous écoutent et que ces personnes se sentent une âme de troll aujourd'hui et les jours à venir et ont des amis et voilà, bah, vous gênez pas pour aller lui dire ce que vous pensez de ce genre d'appli. Sauf si vous pensez que c'est cool, c'est pas la peine de lui dire. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est aussi l'occasion de réfléchir à la place que les applis ont dans nos vies. Et voilà, la place des smartphones, la place du contrôle volontaire, finalement. Et que, ouais, ben, ça peut donner ça, quoi. Moi, j'arrive toujours pas à savoir si c'est un fake ou pas. Et je pense que mon cerveau n'arrive pas à assimiler que si ça existe. Et que, en tout cas, bon, si c'est un fake, ben, ça empêche pas la critique pour tout un tas d'autres applis. Parce que ce matin, on a eu une petite démonstration aussi, en même temps qu'on parlait de WeStand, on a eu une petite démonstration d'une application qui, elle, pour le coup, est clairement réelle. Enfin, il y a des personnes qui étaient dans notre entourage qui l'utilisaient pour... embaucher des gens, donc c'est une personne qui cherchait à embaucher des gens dans la restauration, voilà, avec une application qui fonctionne exactement sur le même type. En fait, tu crées un profil d'auto-entrepreneur, puis après il y a une annonce qui est faite de telle heure à telle heure, t'es payé, enfin l'employeur paye 15 euros de l'heure, et puis du coup t'as une commission qui est prise par l'application, et c'est un système d'évaluation et de notes qui font que l'employeur embauche selon si t'es bien ou pas noté, quoi. Voilà, donc quel que soit ce qui se cache derrière WeStand, bah en vrai, en fait, ça existe. Et peut-être moi, ça me choque plus parce que c'est une manifestation et puis que j'ai encore un petit truc un petit peu de sens politique dans la manifestation. Mais voilà, ça existe. Et ça existe aussi, on parlait ce matin de ça, il y a une appli Pôle emploi, l'appli pile de CV, où tu peux payer pour avoir ton CV au-dessus de la pile. Mais chez Pôle emploi, on parle de quelque chose qui est censé être un service public pour les demandeurs d'emploi, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Tu payes, tu montes en haut de la pile. Ouais, tu payes, t'as le droit de taffer, quoi. Ok. Sur le chat, on parlait de Blablacar tout à l'heure. Il y a Sid qui nous qui nous propose de passer un petit extrait d'un truc sur l'économie de la confiance par Frédéric Mazzella de Blablacar, si ça vous dit. Peut-être, ah, c'est peut-être le truc dont on parlait du coup. Ouais. Bonjour à tous. J'ai un très bon ami qui s'appelle Patrick. L'année dernière, il a acheté un appartement. Il devait refaire le salon. Il a cherché un bon entrepreneur pendant très longtemps. Et il a fini par en prendre un peu au hasard, dans les pages jaunes, qui s'appelle Bruno. Au début des travaux, il n'avait pas vraiment confiance. Donc il venait tous les jours sur le chantier vérifier que tout se passait bien et surveiller le chantier. Au final, le résultat est superbe. Et Patrick a eu raison de faire confiance à Bruno. Mais il a passé beaucoup de temps à construire sa confiance. Il aurait pu faire plein de choses plus utiles avec ce temps. Il a tellement confiance maintenant qu'à chaque fois qu'il doit faire des travaux chez lui, il rappelle Bruno. Et en un clin d'œil, Bruno fait les travaux et Patrick ne vient même plus vérifier que tout se passe bien. Donc il gagne énormément de temps. Je me suis dit que ce simple exemple de la vie courante montrait à quel point la confiance a une valeur. Nous créons des relations de confiance. Et grâce à ces relations de confiance, nous gagnons du temps et nous gagnons de l'énergie. Ce qui est embêtant, c'est que cette confiance qui a été créée, elle est enfermée dans la mémoire de Patrick. Je peux aller la chercher, c'est-à-dire que si demain je dois refaire mon salon, je vais pouvoir demander à Patrick et Patrick va me dire « Écoute, je connais un super entrepreneur et il fait un super boulot, il s'appelle Bruno ». Tu peux le prendre, tu peux avoir confiance. Alors, le problème, c'est que moi, je peux faire ça parce que je suis un ami de Patrick. Je suis à peu près là, dans le cercle de confiance de Patrick. Par contre, vous, vous êtes dans les choux. Vous ne connaissez pas Patrick, vous n'avez pas cette chance. Donc pour vous, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que vous allez devoir reconstruire votre confiance. Vous allez devoir passer plein de temps, rechercher, fliquer l'entrepreneur, et vous allez perdre beaucoup d'énergie. Et alors, il y a des dizaines de situations de la vie courante dans lesquelles la confiance nous fait perdre beaucoup de temps et d'énergie. Ceux qui, parmi vous, ont dû rechercher une nounou, par exemple, dans les derniers mois, savent exactement de quoi je parle quand je parle de perte de temps. On estime qu'on perd en moyenne plus de 5 heures par mois à se construire des nouvelles relations de confiance avec des nouvelles personnes dans des nouvelles situations. Ça peut paraître anecdotique, mais à l'échelle de l'Europe, ces 5 petites heures représentent plus de 400 milliards d'euros de valeur perdue par manque de confiance. 400 milliards d'euros, c'est plus de 20% du PIB de la France. Ça fait réfléchir. La grande question, c'est donc, comment peut-on libérer cette valeur colossale de la confiance qui est emprisonnée dans nos mémoires? Une des grandes révolutions de ces dernières années, on l'a tous vu, c'est Internet. Avec Internet sont venues des nouvelles habitudes, et notamment celle de partager notre confiance au travers des avis. Nous lisons les avis sur Internet et nous déposons des avis sur à peu près tout, sur des objets, sur des services, des lieux, des spectacles et des gens aussi. Si vous allez à l'autre bout de la planète, vous allez regarder les avis sur l'hôtel, vous allez aller sur TripAdvisor. Si vous regardez un appareil photo numérique, vous allez regarder sur Amazon les avis des gens qui l'ont déjà acheté. Si vous voulez acheter un article à un particulier, sur eBay ou sur Price Minister, vous allez regarder le profil de cette personne et vous allez regarder les avis que les précédents acheteurs ont laissés sur ce profil. Bref, nous partageons notre confiance sur Internet. C'est d'autant plus important que les avis que nous laissons sur Internet gagnent en crédibilité énormément ces dernières années. 75% d'entre nous faisons confiance aux avis laissés en ligne, alors que seulement 45% d'entre nous font confiance maintenant aux publicités médias, à la télévision, la radio, la presse, des publicités que l'on a tous les jours à la télévision. Les avis, c'est notre confiance. C'est une confiance d'homme à homme. C'est une confiance horizontale. Ça n'a rien à voir avec une publicité à la télé. Pourquoi je me suis posé ces questions autour de la confiance ? Il y a quelques années, j'ai créé un site de covoiturage. Le concept est simple. Conducteurs et passagers partagent les frais de transport. Les conducteurs proposent les places libres sur des distances généralement de 300 à 600 km, et puis les passagers les achètent. Très très vite, nous nous sommes rendus compte que la confiance était cruciale pour l'organisation du covoiturage. Les passagers comme les conducteurs voulaient savoir avec qui ils montaient à l'avance, et c'est normal. Nous avons donc mis des profils en ligne. Par exemple, ici on voit Perrine, conductrice. On voit plein d'indicateurs de confiance sur son profil. On a sa photo, ses préférences, on a sa mini-bio, on sait qu'elle est chef de projet dans une PME et qu'elle adore le ski. On sait qu'elle est, elle a choisi entre bla, bla, bla ou bla, bla, bla, parce qu'en fait, sur le site, on choisit son degré de bavardage. Et donc, Perrine est bla, bla, bla. Elle a un véhicule et surtout, elle a 24 avis positifs d'autres passagers. Et ça, ça me rassure. On sait avec qui on part. En même temps que nous, ces dernières années, des centaines d'autres sites d'échanges entre particuliers sont apparus pour tout un tas de services, des services entre particuliers, de l'hébergement chez l'habitant, du covoiturage, bien sûr, ça en fait partie, de la location de voitures entre particuliers, du partage d'espaces de travail. Bref, toute une galaxie de sites d'échanges entre particuliers qui tous, chacun, ont des profils de confiance pour chaque membre de manière à ce que les membres puissent se laisser des avis entre eux. C'est ça qui permet l'échange de transactions entre les gens, puisque la confiance est installée. On passe d'une confiance mémorisée dans le cerveau d'une personne à une confiance partagée et démultipliée. Alors vous allez me dire, comment garantir la fiabilité des avis ? C'est vrai, un avis peut être déposé par un ami, il peut être déposé par un concurrent, il peut être déposé par quelqu'un de malveillant, bref, pas forcément par quelqu'un qui a fait un échange avec la personne. Bien, c'est là qu'Internet a pensé à tout, puisque nous disposons maintenant des paiements en ligne. Grâce aux paiements en ligne, nous savons qu'une transaction a eu lieu entre deux personnes. Nous savons qui, quoi, quand, comment, combien. Et en couplant ces transactions avec les avis, on rend les avis beaucoup plus crédibles, donc on gagne en crédibilité, on gagne en confiance et on gagne en valeur. Schématiquement, nous avons commencé par construire ces dernières années un socle Internet pour communiquer très rapidement, sur lequel nous avons placé des bases de données, c'est-à-dire en quelque sorte la mémoire d'Internet. Et ensuite, les sites d'échange entre particuliers ont construit des profils confiance, chacun sur leur site, de manière à pouvoir faciliter les échanges entre les gens. D'ailleurs, au passage, des centaines de profils confiance sur des centaines de sites différents, ça ne peut pas durer. Bientôt, nous aurons un seul profil confiance sur lequel tous les avis qui auront été laissés sur nous seront déposés, de manière à ce que nous ayons une sorte d'identité confiance qui nous permette d'échanger beaucoup plus rapidement en ligne et d'éviter d'avoir à reconstruire la confiance à chaque fois. D'ailleurs, on a quelques geeks chez nous qui ont fait une petite application marrante. Alors, je suis allé à l'entrée tout à l'heure demander les noms de chacun d'entre vous. Et je sais plein de choses. Je sais plein de choses. Je sais par exemple que Nicolas, place 14, vous avez donc hébergé Antonin et Céline il y a une quinzaine de jours. Vous avez fait une balade à vélo. Et Antonin dit, super sympa, séjour très agréable, à refaire. Super. Je sais aussi que vous êtes un super vendeur sur eBay. Et vous avez... Tout s'est toujours bien passé. Et ah, une fois, l'acheteuse dit « Le pouf de votre femme que vous m'avez vendu et couleur rose fuchsia et non rose bonbon, comme le disait l'annonce. Ah, ça arrive, hein. La prochaine fois que vous voulez vous débarrasser des affaires de votre femme, révisez vos couleurs. Bref, cette appli n'existe pas encore, mais c'est le futur. Et c'est formidablement solidaire et positif, parce que ça nous rapproche. Si je vous demande chez qui vous voulez aller loger ce week-end parmi les gens qui sont dans cette salle, vous allez me dire chez Nicolas, parce que vous connaissez quelque chose sur Nicolas. Vous savez qu'il est sympa, c'est Antonin qui l'a dit. Pour revenir au schéma, nous construisons donc le premier pilier de valeur, qui sont les profils confiance, et puis le second pilier, ce sont les paiements en ligne qui permettent de fiabiliser les avis déposés et de les crédibiliser. Cette architecture nous permet de construire une nouvelle valeur qui nous permet d'aller récupérer peut-être un peu les 400 milliards qu'on a perdus tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est quand même assez colossal. Alors je suis convaincu, et je le constate jour après jour, que le couplage des paiements en ligne et des avis déposés est un changement aussi décisif pour l'économie que l'introduction de la monnaie. On a appliqué ces concepts-là sur notre site de covoiturage. Et les résultats sont époustouflants. Avant 2009, nous n'avions pas les profils confiance sur le site et la croissance était un peu hésitante. Depuis 2009, nous avons mis les profils confiance de manière à ce que les membres puissent s'échanger leur confiance et se passer cette confiance qui leur permet d'échanger. Et depuis 2010, nous avons ajouté au profil confiance, depuis 2012, pardon, nous avons ajouté au profil confiance les paiements en ligne. Et alors depuis, la croissance a été multipliée par 3. On parle aujourd'hui de plus de 3 millions de voyageurs par an. C'est colossal. Le fait que la croissance et l'économie, la confiance et l'économie soient liées, ça ne date pas d'hier. Des études qui datent de 1972 nous disent que le PIB par habitant, c'est-à-dire la valeur que l'on produit chacun individuellement, est directement relié à la confiance que les gens se font dans un pays. Il y a plein de manières de calculer cette confiance, je vous passe les détails, mais ce qui est important à retenir, c'est que dans un pays où la confiance règne, les gens ont envie de collaborer et de créer et de produire de la valeur ensemble. A l'inverse, dans un pays corrompu, les gens vont chercher à tricher ou à se voler les uns les autres et à détruire de la valeur, ou en tout cas, ne vont pas en produire. Et le général de Gaulle l'avait bien compris, puisqu'il disait « Rétablissons la confiance et l'intendance suivra. » Alors c'est facile à dire, c'est même très facile à comprendre. Avec la crise qu'on traverse aujourd'hui, quand on voit les milliers de cerveaux qui travaillent à une possibilité de sortie de crise, on se dit qu'on est plutôt noyé dans l'intendance et qu'on a perdu la confiance. On nous parle 150 fois par jour à la télé de la crise. On a des taxations supplémentaires forcément impopulaires qui créent des nouveaux clivages. On a l'impression d'être entré dans un cercle vicieux. On ne voit pas le bout du tunnel. La situation est un peu désespérée. Alors si vous connaissez un super-héros capable de nous sortir de la crise et de ramener la confiance, c'est le moment de parler. Moi, j'en connais un de super-héros. C'est pas Superman. C'est pas Batman. C'est Trustman. Trustman s'appelle Max dans la vraie vie. Max, il est comme vous et moi, mais son super-pouvoir, c'est ses profils confiance sur les sites d'échange entre particuliers. Max, il se crée un complément de revenus en louant sa chambre d'amis à une Autrichienne. Max, il joue très bien du piano et il donne des cours particuliers pour se faire des compléments de revenus. Max, il loue la voiture de son voisin pour partir en week-end où il veut. Bref, il peut à peu près tout faire, Max. En un mot, il est libre, Max. Et l'excellente nouvelle, c'est que nous sommes tous des trustmen en puissance. Oui, tous. Vous et moi. Je le prouve. Regardez. Regardez. Oh. Nous allons tous pouvoir bénéficier de cette nouvelle confiance. Dès maintenant, vous êtes libre d'optimiser vos ressources, vous êtes libre de valoriser vos compétences, vous êtes libre de vous épanouir dans les réseaux d'échange, vous êtes libre de gagner du temps et de l'argent, libérer la valeur de la confiance. Je vous souhaite la bienvenue dans la nouvelle ère de la confiance et de la liberté. Merci. Ouais, c'est intéressant cette ambition pour noter un petit peu tout. Ouais, c'est pire que ce que j'avais annoncé tout à l'heure. J'avais mal retenu son idée. Donc son idée, c'est de rassembler toutes les notes et de noter un peu tout ce qui peut être noté sur Internet. Bah, ça va assez bien avec le modèle social et économique que ces gens-là veulent instituer, quoi, basé sur sur Internet, sur l'individualisation, sur tout ça, quoi. Et pour rappeler ou pour dire aux personnes qui sont jamais intéressées à BlaBlaCar, BlaBlaCar c'était un service gratuit au début. Et du coup, ce qui a été fait, c'est que ce service a su se rendre assez indispensable pour devenir payant et pour qu'ensuite, enfin, pour se créer une base d'utilisateurs assez conséquente et pour finir par faire payer ce service de mise en relation, comme le disait le start-upper qu'on a interviewé ce matin. Oui. Et du coup, se faire une base d'utilisateurs aussi, une sorte de masse critique aussi, qui fait que les gens sont un peu captifs de cette application-là quand ils ont commencé à l'utiliser aussi, quoi. Et que maintenant, s'ils veulent faire du covoiturage par un autre biais, c'est un peu compliqué. Voilà, bon, après... Alors oui, c'était bien Frédéric Metzella et pas Emmanuel Macron, mais malgré une sorte de... De ressemblance dans le langage, ouais. Et dans la façon de parler. Enfin, bon, c'est le même monde que les deux nous vendent en studio pendant qu'on était en train d'écouter. On avait envie de dire Emmanuel Macron sort de ce corps. Du coup, je sais pas. Est-ce qu'on a des choses à rajouter là-dessus? Bon, il y aurait plein de il y aurait plein de trucs à dire. J'ai pas pris de notes au fur et à mesure, perso. Ben, peut-être on peut faire une petite pause musicale, oui. Voir si on en redit des choses. Enfin, en tout cas, ça donne déjà. On n'a peut-être pas besoin de rajouter des trucs, ça donne déjà à réfléchir, oui. Aussi aux personnes qui nous écoutent ce soir. Peut-être redire qu'on peut réécouter cette conférence sur YouTube pour ceux et celles qui auraient envie de. De faire de l'analyse de texte. Ouais. Oui, donc le titre c'était La confiance, moteur de partage, Frédéric Metzella. Juste à rajouter un petit truc? Oui. Oubliez pas de nous noter sur Facebook. Oui, voilà. Notez Radio Cayenne. Mettez-nous des bonnes notes, parce qu'après, quand il y aura cette application ou ce truc qui rassemblera toutes les confiances et tout ça de tout le monde, nous, si personne nous note, on aura une mauvaise note et puis personne ne nous écoutera. Oui. Et quand on voudra rendre le service payant, on ne pourra pas parce que personne ne nous écoutera, alors personne ne paiera. On n'aura pas assez de capital en termes de confiance, quoi. De santé, nos poèmes, nos dessins, nos demandes de congés, nos premiers chats coquins, nos recettes de cuisine, nos relevés bancaires, nos rencarts, notre planning et notre compte à découvert. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, rien, rien, rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, rien, rien, rien à cacher. Si tu n'as rien à cacher, alors on pourrait mettre une caméra dans ta chambre à coucher et dans ta salle de bain et en publier les images sur Internet. Ou alors si tu n'as rien à cacher, on peut prendre ton login et ton mot de passe sur Facebook ou sous Google, les publier et que chacun puisse aller fouiller dedans.